Ma belle-mère, elle a fait voir son cul. Sacré nom de Dieu qu'il était large. Ma belle-mère, elle a fait voir son cul. Sacré nom de Dieu qu'il était large, son cul. On pouvait jouer au bien reçu. Sacré nom de Dieu qu'il était large. On pouvait jouer au bien reçu. Sacré nom de Dieu qu'il était large, son cul. T'as pas voulu chatouiller mon lézard. T'auras pas minette, t'auras pas minette. T'as pas voulu chatouiller mon lézard. T'auras pas minette ce soir. T'as pas voulu chatouiller mon lézard. T'auras pas minette, t'auras pas minette. T'as pas voulu chatouiller mon lézard. T'auras pas minette ce soir. Je l'ai fait voir son cul. Sacré nom de Dieu, ça n'arrête pas. Ma belle-mère, elle a fait voir son cul. Sacré nom de Dieu qu'il était là, son cul. On pouvait jouer au bien reçu. Sacré nom de Dieu qu'il était large. On pouvait jouer au bien reçu. Sacré nom de Dieu qu'il était large, son cul. Merci monsieur. Ça fait un quart d'heure. Je salue. Quand un chanteur a bien chanté. Quand un chanteur a bien chanté. Et il faut boire. Et il faut boire. Et il faut boire à sa santé. Tu fais ça pour toi ?